À l'occasion de la Journée du Soleil, l'exposition de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen a eu lieu le 13 courant au Centre d'échanges culturels de Pyongyang, au Mexique. Dans la salle d'exposition est exposée les photos montrant la vie révolutionnaire et les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient également exposées les œuvres classiques des grands hommes Paektusan, les livres et les photos présentant les activités des militaires et civils coréens pour l'édification d'une puissance socialiste et les objets d'artisanat témoins de l'intelligence et du talent de la nation coréenne. À la cérémonie inaugurale, on prit part les personnalités de différents milieux et les habitants du Mexique. Les participants ont déposé la corbeille de fleurs devant les photos du président Kim Il-sung avant de rendre hommage.